Chapitre 10e. Ikuteruka se tourna vers le gouverneur de Macao. « J'étais certain de ne pas me tromper, » dit-il avec simplicité. « Maintenant, vous n'avez qu'à perquisitionner dans la maison de jeu de Feu à Fou. Vous y découvrirez une cave, la cave dans laquelle, cette nuit, j'ai entendu crier quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Joachim Nemeyo. Je ne me suis pas hâté de vous expliquer tout cela, car je sais d'avance que l'on ne découvrira rien d'intéressant dans la maison. » Les bandits qui m'ont poursuivi en vain doivent avoir pris leurs précautions. Ils se sont doutés que je préviendrai la police. Il n'importe, faites exécuter des fouilles. Vous découvrirez sans doute la communication qui existe entre le grand égout et les câbles de la maison de jeu. Ce sera toujours un point d'acquis. C'est très juste, fit le comte de Almeida. Il reprit place dans sa voiture aux côtés d'Ikuteruka. Le véhicule aussitôt gagna la Rua de Felicidade, suivi d'une autre auto contenant une demi-douzaine de policiers armés jusqu'aux dents. La maison de jeu de Feu à Fou fut fouillée de fond en comble. Elle était déserte. Seul, le portier, un vieux métis du nom de Gomez, y était resté. Il expliqua en tremblant que, depuis la nuit dernière, il n'avait plus vu personne du personnel de l'établissement, mais que, certainement, ces messieurs n'allaient pas tarder à revenir. Évidemment, cet homme ne savait rien, on ne s'occupa pas de lui. Les policiers, guidés par Ikuteruka, retrouvèrent l'escalier dans lequel le célèbre détective avait failli être tué par les Mandchous. Mais le scorpion peint sur la porte de l'escalier ne se voyait plus. La peinture avait été grattée jusqu'au bois. La date à laquelle aboutissait l'escalier fut ouverte. Accompagné de deux policiers, Ikuteruka, au moyen d'une échelle de corde, descendit dans le puits et prit pied, à une douzaine de mètres plus bas, dans une galerie au sol recouvert d'une épaisse couche de boue nauséabonde. La voûte de ce boyau s'était affaissée en de nombreux endroits et mena ses ruines. « Nous sommes ici dans un ancien égout, » dit un des policiers. « C'est facile à voir. » Les trois hommes, éclairés par leurs torches électriques, avancèrent en silence. Ils franchirent une cinquantaine de mètres et durent s'arrêter. La galerie était entièrement bouchée par les débris de la voûte qui s'était éboulée. Ikuteruka examina rapidement les décombres. « L'éboulement est ancien, » dit-il. « Nous pouvons donc être sûrs que ce n'est pas par ici que nos bandits ont communiqué avec le grand égout. Il n'y a qu'à regarder les pierres. Leurs cassures sont recouvertes de mousse, ce qui prouve qu'elles n'ont pas été touchées depuis longtemps. Cette cave devait simplement servir de prison. « Ah ?» Ikuteruka se pencha sur une des pierres. Un scorpion y était grossièrement gravé. « Nous sommes ici dans le repère de la bande, mais la bande est loin. Nous la retrouverons. Si vous le voulez bien, seigneuresse, nous allons remonter. Nous n'avons plus rien à faire ici. » C'était bien l'avis des policiers. Les trois hommes revinrent sur leurs pas, s'étant assurés, en sondant la muraille et la voûte, que la galerie n'avait pas d'autre issue que le puits par lequel ils étaient entrés, ils remontèrent. « Rien de nouveau, monsieur le gouverneur, mais j'ai une nouvelle piste en tête, » expliqua Ikuteruka. « Je vous demanderai simplement pour le moment de faire rechercher Atao, le frère de Afo, qui, paraît-il, est malade. Je ne serais même pas étonné qu'il soit mort. Et vous avez des nouvelles de la jonque coulée ? Oui, le scaphandrier vient de la fouiller, dit le comte de Almeida. Naturellement, les piastres n'y sont pas. Il fallait s'y attendre. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai une autre piste en tête, monsieur le gouverneur. Attendez quelques jours seulement. Je sais que vous réussirez, monsieur Teruka, dit monsieur de Almeida, souriant. Le grand détective, sans insister, prit congé du gouverneur et, étant sorti de la maison de jeu, héla Pousse-Pousse et se fit conduire chez le général de Maillot.